Je veux habiter en Savoie. Hein? Je veux m'installer en Savoie. Pourquoi? Pour faire du ski toute la journée et me faire sauter le soir. Tu sais pas skier? Eh ben j'apprendrai. Tu t'es jamais sauté? Eh ben j'apprendrai. Mais tu sais même pas où c'est la Savoie. Eh ben j'apprendrai. Bon, du calme. C'est très difficile de devenir savoyard. Je m'en fous, je veux en venir une. Est-ce que tu as un gros cul? Assez gros, oui. Est-ce que tu as une haleine de vieux canon? Je pense, oui. Est-ce que tu me sens bien? Un gros duvet, oui. Est-ce que tu as des morceaux de robe de chambre? Non, mais je peux en mettre. Les demeurés qui s'occupent des tire-fesses.